croyez c'est taille. La concurrence est dead comme si je m'appelle Tass. T'as qu'à sucer mon mic, Astic et Matrix, man en plastique. Le beat c'est l'équipe type, ma clique man. Juste quand tu croyais c'est taille. La concurrence est dead comme si je m'appelle Tass. T'as qu'à sucer mon mic, Astic et Matrix, man en plastique. Le beat c'est l'équipe type, ma clique man. De retour sur l'instru Cobra, l'équipe type FOX, négro, joue pas les gros bras. UMC barré pour le combat, avec comme meurt un mic, il est pas chargé de sofa. Comme en temps de guerre, c'est là qu'on connaît les potes ou les putes, ouais les faux MC peuvent s'en faire. C'est le style du terre-terre, on a de l'expérience, et aujourd'hui ma gueule on s'enferme. Dans le son, bientôt 10 piges, j'en ai 23, j'compte pas rappeler jusqu'à 36 piges. Déterminé à ce que tu piges, si on nous ferme les portes, on les pète avec un pied de biche. Comment ça, je suis à sabote, comment ça, elle nous sabote. Des lunes que comme traîne, c'est sans bottes, du 7-7 au 9-4. Du retard, moi j'm'en tape, 4 tirs genre 5 mixtap. Gap aux associateurs, pour la voix, ils vont stop. Les pas très distant, d'idées, j'm'en fous d'idées, les rip-pop. Niveau, Tense Black est un flop, donc si j'te chope, t'es claqué, cop. Si ton bise ou ton bise, j'veux pas une clope, salope. Aussi bonne qu'un cyclope, pourquoi baisses-tu ton slope? 100 000 bornes et ton putsch capote. Punch, trompé dans la compote. Tu vois avec quel fruit ta salade tu composes. Car nous qu'on se prose, terne. C'est pour faire la salade qu'on voit long terme. Non la durée d'un smack. Là j'éclaire ta lanterne, la vadette joue pas smack. Sinon comme Azuki, tout son smack. Jusqu'au chaperon, la hola comme leur PSG gagne son match. La bruit d'Iam, c'est Mir, t'étais trop hot. Les WAM sous le clair obscur, what? J'ai cramé que tu crapotes. Et l'artiste des 8 qui il smoke. Demande à mes larmeurs, WAN ou Joe, c'est le Cameroun qui te smoke. After chill, shit, fait plus de recherche. La neige est retombée, chez nous c'est prime, crime, déprime. Tu l'as capté, tu demandes où on sort, c'est Val 2 94-120, gros jeu, rejoins pour mon neveu. Pas de com' si tu connais, du seum, de la zeb. Je reste prêt sur papier, vrai, même quand je serai cané. Ce qui se passe autour de moi, c'est tout simple, ça s'en sort. Ça se marie, ça fait des gosses, ça bicrave, même des morts. C'est jeune, mes négros sont pas là pour se prendre la tête. Juste pêche au larcet, je te le dis, je barre direct 9-4, capitale du tâche bras. Je suis en retard, je vais aller au pressage. Pour t'en donner à taille, que 1, je rappe pour la maille, 2, pour les poteaux, je m'en bats les couilles d'avoir la cote, tout ça pour les petites putes. Il m'a mis un coup de tête de crochet, une balayette, il m'a couché ce putain de ouinge, il me donne la speech, il flingue. Tous parlent diamant milliard, gros actions se faire sa part, les rêveurs s'envolent loin, s'en fumant 2-3 bars. Rébellion outrage, réalité sur nos pages, major levé pour l'état ou pour mes gens en mode rageux. Les voisins, les keufs parlent quand l'odeur du spliff gêne, crâne chauffe, sale mine, disent que c'est toujours les mêmes jeunes. Raccroche les crampons sur le terrain, c'est jeu danger, gueule chargée. Étrangers, des mecs habitués à plonger. Soir un coup de feu, opération coup de filet. Nos cages d'escalier, des QG d'après les RG. Rosé, équipe type, tête grise, point serré. On coupe, on roule, la weed freestyle niqué. A l'ancienne, je m'installe, le cuir à la paire de Stan. Le 500 un brut, parfois les pattes et la moustache. La vérité, le rap m'ennuie. T'inquiète, tant qu'il est là, qui dit là de beaux jours devant lui. En m'écoutant, les timons ont pris un coup de vieux, ma couille. C'est ici, c'est coup pour coup. T'as cru que je représentais le quartier. Fallait pas croire, c'est tout pour ma gueule, tout pour ma poire. Les trucs pas absinthe, l'esprit absent, environnement malsain, tu reconnais mon accent, dédié à l'équipe en passant. Grand, si tu touches pas à une canette, c'est de ma faute, parce qu'elle a pas de chance. J'ai pas demandé d'avoir du talent, mais je fais avec. Pourtant je suis venu bras ballant, ouais, sur ma tête, dealer. La concurrence connaît pas, moi je calcule personne, car personne ne m'épargne. Mon cœur est à l'image de mon baggy jean. L'amour que je porte, au mien il faut que je le mette à l'aise. Ici c'est l'Est, 9-4, le crime, la routine, bref. Indifférente chez toi, fini rap, m'as-tu vu, c'est quoi? Si t'as rien à dire, ma gueule, tais-toi. Tais-toi. Pas là pour jouer le mignon, écoute, me parle pas de bling bling, négro, j'suis pas une vitrine. Assez de miens qui portent les gourmettes, j'veux faire des sous, mec, sans avoir à me soumettre. J'ai 22 piges, j'ai même la fac, me casse les couilles. Mais le rap est pas, donc pas question que je lâche les cours. J'suis caillé, moi j'reste frais. Passer une balle pour les bras, si tu ferais mieux d'être prêt. Attaque soviétique sur ce connard! L'affaire est à nous! Ouais! Le business est à nous! Ouais! C'est la BS, banlieue est, c'est nous les best, 9420, qu'un VDF, ouais, c'est nous les vrais. T'es mal équipé, frère, rien que des parasites. Tu connais la recette, Renoir, whisky, cannabis, c'est la BS. Dans l'US, c'est nous les best, 9420, qu'un VDF, ouais, c'est nous les vrais. T'es mal équipé, frère, rien que des parasites. Tu connais la recette, Renoir, whisky, cannabis. C'est l'équipe type, cousin, avec des titulaires. Ouais, ouais, ouais. La concurrence chauffe les points et Moukaf, c'est clair. C'est clair.